الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 61 dans le livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان du Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah avec les commentaires du Cheikh Salah Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Au dernier cours on expliquait on expliquait certains versets par rapport à l'importance du suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam, et on continue donc à expliquer, hein, parce qu'on expliquait avant ça, on expliquait le fait que certains d'entre les soufis ils font des choses qui sont en contradiction avec même la fitra, yani parfois, puis eux, ils pensent que ça, c'est un signe que la personne, elle est pieuse, qu'elle n'a pas d'ego, elle n'a pas d'orgueil. Elle va, par exemple, rester dans les endroits sales, dans les endroits impurs. Elle ne va pas se couvrir. Il y a des choses comme ça que n'importe qui, n'importe quelle personne qui verrait ça, qui est intelligente, elle voit que ce n'est pas normal. Mais eux, ils voient dans ça un signe que la personne, elle est un wali. Parce que on leur a donné une fausse notion de qu'est-ce que signifiait al-wilaya. Donc le cheikh il continue là dans cette branche là et il dit fa idha kana ash-shakhs mubashiran lin-najasat wal-khaba'ith allati yuhibbuha ash-shaytan aw ya'wi ila al-hammamat wal-hushush allati tahduruha ash-shayatin aw ya'kulu al-hayyat wal-aqarib waz-zanabir وآذان الكلاب وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتجه إليها أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يخلص الدين لرب العالمين أو يلابس الكلاب أو النيران أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة أو يأوي إلى المقابر ولا سيما إلى مقابر الكفار واليهود والنصارى أو المشركين أو يكره سمع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن. Donc le cheikh il a fait une énumération. Et Cheikh Al-Fawzan, il n'a même pas fait de commentaire. Il a dit « Al-Amr Wadih ». Il n'a même pas fait de commentaire. Il a dit « Al-Amr Wadih ». L'affaire est claire. Donc, on va juste traduire ça. Puis, on va continuer par la suite. Le Cheikh, il dit « Si une personne, elle reste dans les saletés, dans les impuretés que Shaitan aime, elle se réfugie dans les toilettes, dans les endroits sales, dans lesquels sont présents les diables, elle mange des serpents, des scorpions, hein, ou toutes sortes de bêtes comme ça, ou bien elle aime le cri des chiens, ou toutes sortes de bêtes comme ça, des animaux qui sont comme impurs comme ça, ou bien elle boit l'urine ou des impuretés qu'aiment les diables, elle invoque d'autres que Allah, elle appelle des créatures au secours et elle se tourne vers des créatures et elle se prosterne vis-à-vis de son cheikh, hein, elle se prosterne devant son cheikh, comme on le trouve ça souvent chez les soufis, hein, ils se prosternent devant leur cheikh. Une fois, j'avais parlé avec un d'entre eux comme ça qui avait pris une photo en train de se prosterner devant son cheikh, et puis je lui ai dit mais ça c'est du shirk, qu'est-ce que tu fais? Il dit non. J'avais même posté la photo sur Twitter une fois, et il y en a un qui a répondu, il a dit mais toi tu vois pas, il est en train de faire un massage à ses pieds. J'ai dit, mais s'il fait un massage à ses pieds, est-ce qu'il a besoin de se prosterner pour faire un massage? Hein? Parce qu'on voyait clairement qu'il était en train de se prosterner. Donc, il y en a d'autres qui disent non, c'est juste qu'il se prosterne devant ses pieds, mais il n'est pas prosterné comme si. Il ne se prosterne pas au Cheikh, mais juste devant ses pieds. Donc, c'est juste un prétexte. En réalité, la réalité, c'est qu'ils se prosternent réellement devant leur Cheikh et ils pensent que ça, c'est quelque chose de correct. Et il dit, ils ne purifient pas leur adoration et leur religion pour le Seigneur des mondes. Et ils vont rester avec les chiens, ils vont, en tout cas, toutes sortes d'exemples de choses qu'ils font, rester dans les dépotoirs, les poubelles, dans les cimetières, les endroits, surtout les cimetières des koufars, des juifs et des chrétiens ou des idolâtres. Ils détestent entendre le Coran, et quand ils entendent le Coran, ils s'enfuient. Ils préfèrent écouter la musique, les poèmes, ils préfèrent entendre les flûtes du diable, hein, plutôt que d'entendre la parole du tout miséricordieux. Tout ça sont des signes de quelqu'un qui fait partie des alliés du shaitan et non pas des alliés d'Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Le cheikh, il a dit, ça, c'est clair. Hein, ça, c'est clair, il n'y a pas besoin d'expliquer. Et c'est comme je parlais avec le frère Wadir l'autre jour, on parlait de ça, puis... on discutait avec un chrétien, puis il y avait un truc que je me suis souvenu par rapport à certains groupes de soufis, et puis d'autres groupes étranges un peu comme ça qui existent dans certains pays musulmans, comme les Gnawa, puis les Issawiya, puis d'autres Turq. Et eux, vraiment, ils adorent vraiment les shayatins, ils adorent vraiment les diables. Et ils prient aux djinns, ils leur font des sacrifices, et ils font des cérémonies. Puis quand je lisais là-dessus, j'en ai parlé souvent de ça, mais quand j'ai lu la description de leur pratique et comment ils font leurs choses, j'ai trouvé beaucoup de ressemblances avec ce que font les vaudouisants en Haïti. C'est-à-dire les gens qui pratiquent la religion vaudou, c'est presque la même chose. Et donc, quand j'ai vu ça, c'est pour dire que tu vois clairement que c'est des gens qui sont dans le shirk, dans l'égarement total. Et puis certains parmi les Haïtiens qui ont connu l'islam, parfois même certains sont tombés dans l'égarement à cause de ça et sont allés jusqu'à dire que le voodooisme venait même de l'islam. Mais en fait, c'est parce qu'ils réalisent pas que qu'est-ce que ces gens-là pratiquent, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc ils pensent que le soufisme c'est l'islam ou bien qu'est-ce que ces gens-là pratiquent. Hein? Ça fait partie de l'islam, alors que c'est une déformation, une déviation, ça n'a rien à voir avec la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni celle de ses compagnons. Donc, c'est très important de le comprendre, et puis de savoir que ces gens-là, c'est des gens égarés. Et qu'est-ce que j'ai remarqué souvent quand on parle de ces groupes-là, surtout en Occident, c'est parce qu'ils ont été populaires à cause de leur musique. Parce que c'est des gens qui sont surtout connus pour la musique qu'ils font, puis ils sont invités dans des festivals de musique mondiale, puis des trucs comme ça. Hein? Mais en réalité, comme ça passe pour un groupe folklorique, mais la vérité, c'est que derrière ça, il y a des croyances, il y a des pratiques. Hein? C'est pas juste pour la musique, mais ils ont trouvé un moyen de faire de l'argent avec ça, alors ils en profitent en faisant passer ça pour du folklore. La même chose pour les derwiches qui tournent. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez les derwiches. Les derwiches, ceux qui, en Turquie, là, je ne sais pas si c'est la tariqa burhaniya ou il y a une autre tariqa. En tout cas, ils suivent un cheikh. Et puis eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des sortes de jupes très très longues. Puis ils tournent. Ils ont un chapeau, puis là ils mettent leurs mains comme ça, puis là ils commencent à tourner, puis leur jupe, elles font des cercles. Au Soudan aussi, ben, il y en a partout de ces gens-là. Et puis, donc quand ils tournent, là ça fait comme un truc, mais ils vont dans le monde entier faire des spectacles, des représentations comme ça. Et puis les koufars, ils vont voir ça, ils sont tellement contents, là, ils payent pour aller voir ça. Donc quand ils ont vu qu'ils pouvaient faire de l'argent avec ça, non seulement c'est de l'égarement dans la religion et des bid'ah, et puis en plus, ils vont chez les koufars pour, au lieu de les appeler à l'islam, ils les appellent pas à l'islam, ils les appellent à la bid'ah puis au shirk, et puis après, ils font des spectacles et ils font de l'argent avec. C'est toutes sortes de ce genre de pratiques bizarres. Et les koufars, c'est juste ça qu'ils aiment. Quand tu leur parles de l'islam, si tu leur parles des derwishes et des trucs bizarres comme ça, ils disent « Ah oui, les gnawa, oui, ça c'est bien. » On aime les musulmans comme ça. Mais si tu leur parles « Coran, wa sunna, tawhid, aqida, suivre les messagers, non. » Ça, on n'en veut pas. Hein? Allah musta'an. Donc le cheikh dit ensuite « Wa qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, la yus'alu ahadukum an nafsihi illa al-Qur'an. » فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par At-Tabarani dans Al-Kabir et par Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit ne te pose pas de questions à toi-même excepté à propos du Coran. Si tu vois que tu aimes le Coran, ça veut dire que tu aimes Allah. Si tu vois que tu détestes le Coran, ça veut dire que tu détestes Allah et son messager. Donc c'est comme si en voulant dire, si tu veux savoir où tu en es par rapport à ta foi, tu veux te tester, tu veux te poser des questions à toi-même, tu veux savoir c'est quoi ton, où est-ce que tu es dans, par rapport à ta religion, demande-toi à toi-même, est-ce que j'aime le Coran? Et le cheikh, il va dire des commentaires là-dessus, cheikh Al-Fawzan. Il dit min al-Qur'an min al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan. Min awliya Allah wa awliya ash-Shaytan anna awliya Allah yuhibbuna al-Qur'an wa ya'nasuna bihi wa yatlunahu wa yatadabbarunahu wa yatalazzazuna bihi wa yataqarrabuna ila Allah سبحانه وتعالى بتلاوته وتدبره والعمل به ولا يصدون عنه بل هم دائما مع القرآن. أما أولياء الشيطان فإنهم ينفرون من القرآن ويستبدلونه بالأغاني والأناشيد والدفوف والطبول وآلات اللهو كما هو معلوم عن الصوفية والمبتدعة أنهم مغرمون بالغناء وآلات اللهو فهذا من الفوارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فإذا رأيت الرجل يحب القرآن ويقبل عليه ويسغي لتلاوته فاعلم أنه من أولياء الله. وإذا رأيت الرجل يعرض عن كتاب الله ولا يحبه ولا يألفه ويصد عنه فاعلم أنه من أولياء الشيطان. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن. لا يسأل وي. Donc, فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله. يعني من كان يبغض القرآن فإنه يبغض الله ورسوله. هذه علامة واضحة. Donc le hadith c'est comme j'avais traduit, je pense, ne te pose pas de questions, c'est-à-dire c'est plutôt nul ne sera questionné à propos de lui-même, hein, excepté à propos du Coran. S'il aime le Coran, alors il aime Allah. S'il n'aime pas le Coran, alors il n'aime pas Allah et son messager. Et le cheikh, il dit que ça fait partie des distinctions entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan. Les alliés d'Allah, ils aiment le Coran, ils se sentent bien avec le Coran et ils le récitent et ils méditent sur sa signification et ils prennent du plaisir à le réciter, hein? Et ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala en le psalmodiant puis le récitant comme il faut, en réfléchissant sur ses sens et en le mettant en pratique. Ils ne vont pas obstruer les gens du chemin du Coran. Ils vont pas empêcher les gens, hein, de lire ou de profiter ou d'appliquer le Coran. Donc ils sont toujours avec le Coran. Tandis que les alliés du Shaytan, eh bien eux, ils fuient du Coran. et il le remplace par des musiques, des chants, des chansons, des anachides, qu'est-ce qu'on appelle des anachides, hein, et les chants arabes ou des trucs comme ça. Et même ça, on en avait parlé des anachides, parce que il y en a qui les appellent les anachides islamiques. Et on avait expliqué qu'il n'y a pas d'anachides islamiques, hein, parce que à la base même, les anachides, hein, c'est pas une adoration. Donc tu peux pas l'appeler islamique, hein. Et de les rendre islamiques, c'est comme si tu suivais l'exemple des soufis, hein, qui eux ont inventé dans la religion d'Allah des chants religieux. Il n'y a pas de qu'est-ce qu'on appelle en islam des chants religieux, parce que c'est pas religieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jamais chanté, les sahaba, ils ont jamais appris à chanter, ils ont jamais non plus fait ça comme dans le sens pour se rapprocher d'Allah ou comme une adoration. Hein? Qu'est-ce qui est mentionné dans les hadiths lorsque les sahaba ils ont construit le khandaq, hein? Ils récitaient des poèmes ou ils mentionnaient des poèmes, ou quand ils ont construit la mosquée, le masjid al-Nabawi, ils ont mentionné des poèmes et des choses comme ça. Mais il n'y avait pas de chants. C'est pas des chants. Et en même temps, c'est pas religieux. C'est des paroles. Yani, arabes, des chansons arabes ordinaires, dans lesquelles il y a des significations qui sont pas fausses et qui sont bonnes. Donc, si c'était dans ce sens-là, les ulama, ils ont dit oui, c'est permis dans ce genre de situation-là. Comme par exemple les jeunes filles qui chantaient dans les fêtes de mariage, ou bien dans les fêtes de Eid, elles récitaient des chansons arabes. C'était pas des chansons religieuses et elles chantaient avec le douf. Hein, c'était les jeunes filles qui faisaient ça entre elles. Ok. Et il y en a qui ont pris ces exemples-là et puis ils les ont tirés, hein, comme un élastique. Hein. Ils ont vu que ça, ils ont essayé de les tirer. Pour essayer de l'appliquer à n'importe quoi. On dit, ah ben si c'est permis pour des jeunes filles, le jour d'un Eid et tout. Donc dans ce cas-là, allez, pourquoi pas, on pourrait faire des groupes de chants, faire des groupes de chansons avec toutes sortes d'instruments, puis faire des musiques religieuses, puis aller en studio, faire enregistrer ça, puis vendre ça, puis faire les enregistrer, puis hein, faire des spectacles. Maintenant c'est devenu comme ça. Tu vas dans les conventions organisées par les Ikhwan ou par d'autres groupes, eh ben ils ont une partie de leurs conventions ou leurs séminaires, c'est de la musique. Et il y a des gars qui viennent, il y en a qui font du rap, il y en a qui chantent, il y en a qui font des ouais. Et puis tu vois les jeunes, la même chose, ils crient ouais comme ça, les garçons et les filles sont mélangés. Et après il y a des sessions d'autographes. Ils vont faire les autographes pour leur vedette. Donc, ouais, non, ils font des selfies avec eux, pour de vrai. C'est pas des blagues. Donc, on se demande par la suite, c'est quoi la différence, hein? C'est comme, on a dit, bon, la musique des koufars, ça c'est haram. Mais donc, on va se faire une musique, mais ça, on va l'appeler islamique, puis ça va devenir halal. Mais c'est la même. C'est la même. Donc c'est juste changer les étiquettes, hein. On enlève cette étiquette, on met une autre étiquette, mais c'est le même bouteille. Exactement, c'est ça le problème. Et donc il y a une époque comme ça, le professeur Salam il a dit, les gens ils vont boire de l'alcool, ils vont l'appeler par un autre nom, hein. Et ben c'est ça qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils remplacent les choses. Ils mettent juste le nom islamique, ça devient halal. Hein? Donc il faut pas se laisser tromper par le shaitan. Et c'est triste que de voir que certains parmi les prêcheurs, que ce soit des prêcheurs arabes ou même francophones, ils sont tombés dans ce piège-là. Et ils ont commencé à faire des pièces de théâtre. Hein, pour la da'wa, on veut faire da'wa, mais vu que les gens ils aiment pas trop entendre le Coran et la Sunna, on va faire des pièces de théâtre. Et donc ils jouent des rôles, hein, et ils font des pièces de théâtre devant les gens dans la mosquée. Il y en a qui, dans leurs vidéos, commencent leurs vidéos, tu entends toujours des chants au début. Hein? Et donc, tout ça, c'est des choses que les ulama ont condamnées, puis ils ont critiquées. Ils ont mentionné que ça, c'est l'imitation des kuffars, l'imitation des gens de bid'a. Mais hélas, yani, comme on dit en arabe, la hayata liman tunadi. C'est comme si tu parlais à des morts. Et Allah al-Musta'an. Le cheikh, il mentionne aussi, comme par exemple, que ces gens-là, ils préfèrent les doufouf. Doufouf, c'est le pluriel du douf. Et douf, je l'avais expliqué une fois, c'est comme une peau tannée sur un cerceau, comme un cylindre, un cercle. Puis il y a une peau dessus, c'est ça le douf. Ça, c'est comme je disais, permis pour les femmes le jour d'Aïd ou les jours de mariage, hein, les fêtes. Les femmes, elles tapent ça. Il y en a maintenant, ils ont fait ça, ils ont appliqué ça maintenant pour les tambours, comme les genres de tambours là, ils tapent là-dessus. Ben. Une fois, j'étais invité chez un mariage d'un frère, puis j'arrive là-bas, puis là, tout d'un coup, il y en a un parmi les invités, il sort un genre de tambour là, comme ça. Hein? Hey. Ajim. Ouais, donc il a sorti un tambour et puis il commence à se préparer. J'ai dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, on va faire des chants là, on va faire le tambour. J'ai dit, mais ça c'est pas permis. J'ai dit, le douf c'est permis que pour les femmes, ça c'est même pas un douf. Et puis vous êtes pas des femmes. Ils ont dit, non, mais tu sais, Akhi, il y en a un qui a voulu faire son faqih avec moi. Et il m'a dit, tu sais, Akhi, il y a des divergences entre les ulama. Tu sais, toute chose, quand ils veulent se permettre quelque chose, ils disent, il y a des divergences. Hein? Comme si la divergence, c'était une permission de faire ce que tu veux. Bon, alors, quand j'ai vu ça, je leur ai expliqué, je leur ai dit, non, ça c'est pas permis, c'est juste pour les femmes, les filles entre elles, elles font ça, pas pour les hommes. Et quand j'ai vu ça, je suis parti, allez, j'ai dit, si vous allez le faire quand même, j'ai dit, dans ce cas-là, moi je m'en vais, puis là je suis parti. Mais c'est juste pour dire, allez, les gens comme ça, ils ont, comme je disais, ils ont tiré l'élastique là. Ils l'ont étiré jusqu'au bout, comme on dit, jusqu'à ce que ça éclate. Hein? Bon, les instruments de musique. Il dit, kama huwa ma'lumun 'an as-sufiyya wal-mubtadi'a. Il dit, ça, c'est des choses connues chez les soufis, chez les gens de bid'a. Ils aiment la chanson, la musique, hein? Les instruments et tout ça. Et ça fait partie des distinctions entre les alliés de Ar-Rahman et les alliés du Shaytan. Donc si un homme il aime le Coran et il se tourne vers le Coran et il écoute attentivement le Coran et sa récitation et il aime ça, alors ça c'est un signe que ça fait partie des awliya d'Allah. Mais si tu vois quelqu'un qui se détourne tout le temps du livre d'Allah et qu'il ne l'aime pas, hein, il ne se sent pas bien quand on récite le Coran, il aime pas ça ou il essaie d'empêcher les gens d'écouter le Coran, sache que celui-là c'est un des alliés du shaitan. Et c'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud, il a mentionné dans le hadith, ne demandez pas à propos d'une personne, hein, ça c'est une parole d'Abdullah ibn Mas'ud, c'est pas un hadith, mais c'est ça, c'est une parole d'Abdullah ibn Mas'ud. Il dit, vous ne serez questionné à propos de vous-même que sur le Coran. Si tu aimes le Coran, ça veut dire que tu aimes Allah. Si tu n'aimes pas le Coran, ou tu détestes le Coran, ça veut dire que tu détestes Allah et son messager. Donc ça, c'est un des signes. Et il est clair. Après, le cheikh, il cite un autre exemple. Il dit, وَقَالَ عُثْمَانِ بْنُ عَفَّانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ تَهُرَتْ قُلُوبُنَا لَمَا شَبِعَتْ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ. Ça, c'est Uthman ibn Affan. Qu'est-ce qu'il a dit? En même temps, ça nous fait connaître, ça nous fait voir la position des salafs à propos du Coran. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, dit, si nos cœurs avaient été purs, il ne serait jamais rassasié d'écouter le Coran. Il serait jamais rassasié de la parole d'Allah. Cheikh Al-Fawzan, il dit, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu khalifatun rashid yaqulu law tahurat qulubuna wa fi riwaya law tahurat qulubukum ma shabi'at min kalamillah wala tamal min kalamillah بل هي دائما مرتبطة به لأنها تحبه لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره فإذا رأيت في الإنسان مللا من القرآن أو إعراضا عن القرآن فاعلم أن قلبه فيه شيء من الخلل وعدم الطهارة. Donc le cheikh il dit, Uthman ibn Affan, un des khulafa Al-Rashidin, radiyallahu anhu, un des successeurs bien guidés, il a dit, si nos cœurs étaient purs, et dans une autre narration, si vos cœurs auraient été purs, ils n'auraient jamais été rassasiés de la parole d'Allah. Et il dit donc, ça veut dire qu'on serait jamais, on se serait jamais lassé, de la parole d'Allah. Parce que on est toujours attaché avec le Coran, parce qu'on l'aime. Et il dit, celui qui aime quelque chose, il en parle tout le temps. Celui qui aime quelque chose, il en parle tout le temps. Donc il dit, si tu vois un homme, ou une personne, il se lasse du Coran, il est ennuyé, du Coran, ou bien il se détourne du Coran, alors sache que son cœur, il y a quelque chose d'impur dedans. Il y a un défaut, une défaillance, ou quelque chose dedans, quelque chose d'impur dedans. Il cite ensuite une autre parole, il dit, وقال ابن مسعود رضي الله عنه الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. سبحان الله. Donc عبد الله بن مسعود il dit que le ذكر, le rappel d'Allah, il fait pousser dans le cœur, il fait pousser la foi dans le cœur comme une plante, ou comme quelque chose, comme une al-baqlou, je pense que c'est comme une l'oignon, c'est un oignon. Min baqliha wa qithaiha. C'est mentionné dans le verset dans sourate al-Baqara. Donc al-baql, c'est une plante quelconque, un légume ou quelque chose. Donc il dit le dhikr, ça fait pousser la foi dans le cœur de la même manière que l'eau fait pousser cette... Ah, ok. Donc, l'important, c'est que ça fait pousser la foi, c'est-à-dire que le dhikr fait pousser la foi comme l'eau fait pousser cette plante-là. C'est un exemple. C'est une, comme on dit, je voulais dire, c'est comme une métaphore. En tout cas, c'est une comparaison, disons. Il dit al-ghina et la musique. La musique, qu'est-ce que ça fait? C'est le contraire. Ça fait pousser pas la foi, ça fait pousser l'hypocrisie dans le cœur. De la même manière que l'eau fait pousser cette plante là. Allah al-musta'an. Donc, tu vas remarquer ça. Les gens qui écoutent de la musique, et qui Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Non, c'est une parole de Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, mais c'est-à-dire que lui, Ibn Taymiyyah, il l'a cité. Ouais. Mais sinon, de où est-ce qu'elle a été rapportée? Elle est rapportée par Al-Bayhaqi. Et aussi, elle est rapportée par Abu Daoud aussi. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh Al-Fawzan à propos de cette parole? Et c'est une parole qui est célèbre, celle-là. Tout le monde connaît cette parole presque. Que les chansons, ça fait pousser le nifaq, l'hypocrisie dans le cœur. Le cheikh Al-Fawzan, il dit, Farqun bayna al-Qur'ani wal-ghina. Parce que j'ai déjà entendu ça une fois. Et quelqu'un qui disait, ah, c'est comme quand je veux me reposer, quand je veux détendre mon esprit, je mets la musique classique. Ça me fait yani, calmer mon âme ou je ne sais pas quoi, Audoubillah. Non, mais c'est le Coran qui va calmer ton âme. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah, hein, par le Coran, que les cœurs s'apaisent? Ce n'est pas par la musique. Hein? Et le cheikh, il dit ici, il y a une différence entre le Coran et la musique. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et la musique, c'est la parole des shayatins, des diables, parmi les hommes et les djinns. Hein? Souvent, les ulama, ils disent de la musique que c'est le Coran du shaytan. Le Coran du shaytan. Il n'y a pas de doute que c'est le Coran du shaytan. Non, le Coran, c'est la parole d'Allah. Mais le Coran du shaytan, c'est la musique qu'on dit que c'est la musique. Ça veut dire que c'est toutes les mauvaises choses, les mauvaises paroles, les mauvaises idées. Il y en a tout ce qui se dit dans la plupart des chansons et des musiques, c'est des appels à qu'est-ce qui est haram. Des incitations au zina, des incitations au péché, des incitations à... Hein, ou bien c'est des choses qui ramènent la tristesse, la mélancolie, qui ramènent des mauvais souvenirs, ou bien qui... C'est aussi c'est quelque chose qui distrait du rappel d'Allah et qui éloigne du rappel d'Allah. En tout cas, comme tu dis, ça me fait penser aux paroles des philosophes, ça. Peut-être si tu peux dire ça à propos de la poésie. Les ulama, ils ont dit hukm al-shi'r, hukm al-kalam. C'est-à-dire que le poème, si c'est des paroles qui sont bonnes, alors il est permis. Si c'est des paroles qui sont mauvaises ou haram, alors c'est le poème il est haram. Ça c'est correct. Mais si tu parles de la musique en soi, yani, c'est haram. Donc il n'y a pas de bonne musique halal, comme ils disent. Hein? Et ça c'est une chose difficile pour les koufars. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Et parce que ils sont tellement entouré de musique dans tout ce qu'ils font. Il n'y a pas un endroit que tu vas, excepté qu'ils mettent de la musique. Dans un supermarché, tu rentres, ils mettent de la musique. Il y en a partout. Oui, même les ascenseurs. Tu vas chez le médecin, à la salle d'attente, il y a de la musique. Partout, il y en a, subhanallah. Donc ton esprit n'est jamais en paix. Ton esprit n'est jamais en paix. Et le but de ça, comme le frère Wadir, il mentionnait, c'est de distraire l'esprit, de faire en sorte que les gens soient distraits par d'autres choses, qu'ils ne réfléchissent pas à Allah, qu'ils ne réfléchissent pas à leur existence, qu'ils ne pensent pas aux réalités de la vie. Donc le cheikh, il dit, où est-ce qu'on était rendu ? نعم فرق بين كلام الله والغنى غناء نعم والغنى كلام الشياطين شياطين الإنس والجن والقرآن ينبت الذكر في القلب ومحبة الرب عز وجل كما ينبت الماء البقل وهو الخضع والزروع فإن الماء إذا نزل على الأرض أنبتت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وهذا مثل القرآن مع القلوب أما الغنى فإنه ينبت النفاق النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر وهذا هو النفاق فالغنى ينبت النفاق وكراهية القرآن وكراهية الذكر وكراهية الدين فإذا رأيت من هو مغرم بالأغاني والمطربين فإن هذا ينبت في قلبه النفاق ويبغض القرآن ويبغض المؤمنين والنفرة من أهل الخير وهذا نبات الأغاني والمزامير وأصوات المطربين التي يميل إليها الفساق والصوفية وهم لا يتلذذون إلا بالأغاني والطرب وهو أنيسهم دائما وأبدا في السيارات وفي البيوت وفي أي مكان تجد الأغاني مصاحبة لهم إما من البث الإذاعي وإما من التسجيلات التي يصحبونها معهم فهذا علامة النفاق بغض ذكر الله وبغض الإيمان وأهل الإيمان والنفرة منهم فهذا فيه التحذير من الأغاني التي استحوذت على كثير من الناس اليوم فهم مرتبطون بمواعيدها حتى إن منهم من لا يحضر الصلاة إذا كان ذلك في وقت بث الأغاني يجلس عندها ويترك الصلاة الجماعة أو يترك الصلاة في الوقت لئلا تفوته هذه الأغاني ويشجعون المغنيين والمطربين ويسمونهم أهل الفن وأهل الذوق وأهل كذا يعني ويمنحونهم الألقاب ويصورونهم الصور التي تتخذ للذكريات لا حول ولا قوة إلا بالله. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur ce sujet-là, surtout à notre époque. Le cheikh, il dit, il y a donc une grande différence entre la musique, entre le Coran et la musique, puisque le Coran, c'est la parole d'Allah, tandis que la musique, c'est la parole du shaytan, des shayatines, hommes et djinns. Et il dit que le Coran, il fait pousser le rappel d'Allah dans le cœur et l'amour du Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'eau fait pousser ces genres de plantes, hein, de légumes ou de plantes. Tandis que, donc il dit, c'est comme ça quand l'eau tombe sur la terre, elle fait pousser des plantes, et il mentionne à ce sujet-là le verset, dans Surat al-Hajj, le verset 5, hein, que la terre, quand elle est toute sèche et morte, eh bien, il y a de l'eau qui tombe dessus, puis là, elle commence à laisser pousser toutes sortes de couples de plantes et de végétaux. Et il dit, ça, c'est un exemple que Allah a donné pour comparer, avec le cœur des êtres humains. Ça, l'exemple de la terre qui est morte, qui est séchée, quand il y a de l'eau qui tombe dessus, hein, elle laisse pousser des plantes, c'est l'exemple du cœur quand il est mort, quand il est séché, et quand on lui met, on l'arrose avec la foi et le rappel d'Allah, et là, il commence à laisser pousser, hein, la foi. Tandis que la musique, c'est le contraire. Il fait pousser l'hypocrisie dans le cœur. Hein? Elle laisse montrer le bien et elle laisse cacher le mal. Et il dit que la musique, hein, elle fait pousser donc cette hypocrisie dans le cœur, cette nifaq. Et la haine du Coran, la haine du rappel, la haine de la religion. Et tu vois que les gens qui sont des amoureux de la musique et des chanteurs et des chanteuses, hein, eh bien, cette hypocrisie-là, elle pousse dans leur cœur qui les fait détester le Coran, qui les fait s'éloigner du Coran, qui les fait s'éloigner des croyants, qui les fait fuir des gens du bien. Hein. Et ça, c'est, hein, l'exemple de ça. Subhanallah. Et comme si, quand tu, je sais pas, moi, étant donné que j'ai grandi dans cette société ici au Canada, bon. J'étais pas musulman dans le passé, donc j'ai grandi entouré de cette culture de la musique, hein, tout le temps. On était tout le temps entouré de musique, tout le temps, depuis l'enfance. Et donc, c'est comme pour dire que c'est des choses qui sont faciles pour nous de détester quand on devient musulman, parce que on a connu ça. Donc on voit le mal qu'il y a là-dedans. Et en même temps aussi, chez les koufars, c'est devenu tellement introduit dans leur culture, même dans la religion, il y a la musique. Tu vas aller chez les chrétiens, tu vas trouver qu'ils rentrent dans leurs églises, ils chantent. Ils rentrent dans leurs églises, ils chantent. Même il y en a des églises où ils dansent même. Hein? Même en bas là, quand tu descends là, à chaque fois tu les vois en train de chanter. C'est comme, presque comme une discothèque là-bas. Tu te demandes est-ce que les gens ils vont pour prier ou pour la religion ou bien s'ils vont pas pour faire la fête. Hein? Donc quand c'est rendu à ce point-là, c'est comme ça que beaucoup de gens s'égarent du droit chemin. Et je vais vous dire une chose, peut-être que beaucoup de gens ils savent pas ça, mais beaucoup des chanteurs noirs américains qui sont très populaires aujourd'hui, ils n'ont pas appris à chanter ailleurs que dans les églises. C'est-à-dire que leur premier endroit où ils ont appris à chanter, c'était dans les églises. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus populaires par la suite. Donc, c'est pour dire que c'est la première... Le shaitan, il a réussi à s'introduire même dans leurs églises, dans leur religion. Il a réussi même à les égarer avec la religion. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas. C'est-à-dire qu'ils pensent que l'égarement, c'est uniquement dans les bars ou dans les endroits où il y a du péché et de l'alcool. Ils ne peuvent pas s'imaginer que dans les endroits où les gens parlent de religion, ils peuvent s'égarer. Eh bien oui, hein, le shaitan, il peut t'égarer même avec la religion. Quand il te fait dévier du chemin d'Allah et des règles de la religion et le suivi du messager. Hein? Si tu sors de ces limites-là, tu tombes dans la bid'a, tu tombes dans l'égarement, tu peux t'égarer d'un égarement beaucoup plus dangereux que dans les égarements des péchés que quelqu'un peut faire. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et donc comme je disais, ces chanteurs-là, ils ont appris à chanter dans les églises. Eh bien parmi les musulmans, il y a des choses comme ça aussi. Et moi, je ne croyais pas à ça. Mais quand j'ai vu une des chanteuses arabes les plus connues dans le monde, de l'histoire moderne, là, celle que tout le monde connaît, hein, Umm Kulthum, ben, d'après ce que j'ai lu de son histoire, elle a appris à chanter en apprenant les règles de récitation du Coran. Puis essayer d'appliquer les règles hein, de récitation du Coran à la chanson, au chant des poèmes. Hein, quand ils chantent des poèmes et quand tu vois les techniques parce que beaucoup de ces techniques que les courroies égyptiens utilisent sont des techniques qui sont innovées, elles n'ont pas rapport directement avec la façon dont on récite le Coran selon la sunna. Hein? Il y a beaucoup de bid'a chez les récitateurs égyptiens. Et donc ils parlent de maqamat et de toutes sortes de trucs comme ça là. Et donc, ces chanteurs-là, ils se sont inspirés de ça. Et cette chanteuse en particulier, c'est ça ce que j'ai lu à propos de sa biographie, qu'elle avait appris dans l'apprentissage de la récitation du Coran. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à chanter. Donc, le shaitan, il l'a détourné. Hein, au lieu de réciter le Coran, elle a récité les poèmes. Et les chansons d'amour et les choses de ce genre. Donc, toutes ces chansons de ishq, de passion, d'amour charnel ou passionnel, toutes ces choses-là qui égarent les hommes et qui égarent les femmes et qui les font devenir fous. Hein? Donc, tu vois les jeunes qui pensent juste à ça. J'étais en Jordanie, je me rappelle plus c'était en quelle année, en tout cas, ça fait très longtemps. Plus qu'une vingtaine d'années. Et puis, on était allé prendre le petit déjeuner dans un petit restaurant. Et c'était très tôt le matin. Et puis, j'ai remarqué qu'il y avait des petites boutiques qui vendent de la musique. Une petite boutique, ils vendent que des chansons, de la musique. Mais le matin, quand on passait, ils étaient en train de faire jouer le Coran. Hein? Alors, on était avec des frères et puis il y en a un parmi eux qui était là, qui vit en Jordanie, qui dit le matin, chaque matin, les boutiques de musique, ils commencent toujours leur journée avec le Coran. Puis le reste de la journée, ils passent la musique seulement. Donc c'est pour dire, pour commencer la journée en beauté, pour mettre la baraka, hein, soi-disant, on va mettre le Coran. puis après tout le reste de la journée, de la musique. Hein? Donc, tu vois, yani, Allah al-Musta'an, maintenant, en plus, ils ont rajouté à la musique la vidéo. Maintenant, ils ont rajouté à l'audio des musiques, ils ont rajouté avec ça la vidéo qui va avec. Donc, quand tu vas manger dans un resto, hein, restaurant halal, parce que tu ne veux pas manger dans un restaurant haram, tu veux manger dans un restaurant halal, le propriétaire, il est musulman. Donc, tu dis, alhamdoulilah, la nourriture, elle est halal. Mais tout ce que tu entends avec tes oreilles, c'est le haram. Et qu'est-ce que tu vois avec tes yeux, c'est tout ce qui est haram. Donc tu dis, mais Allah al-Musta'an, comment on est des musulmans, puis des musulmans comme un musulman, il doit craindre Allah, il doit se rappeler d'Allah, il doit s'éloigner du haram. Et puis tu vois des hommes et des femmes qui font ces chansons-là. Tu dis, mais est-ce qu'on n'a pas la honte? Est-ce qu'on n'a pas la gêne? Hein? Donc tout ça, c'est le shaitan, yani, qui essaie de séduire les hommes, yani, et les femmes. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais c'est juste pour comprendre, hein, Allah musta'an, le danger de ça. Donc le shaykh, il dit, ces gens-là, quand ils rentrent dans cette musique-là, après ça, leur cœur, il commence à se remplir d'hypocrisie. Commence à trouver du plaisir que dans la récitation des musiques et de la chanson, et il s'éloigne par la suite du Coran. Et donc il dit, ces gens-là qui aiment que la musique, ils n'ont de repos et ils ne ressentent que du bien que lorsqu'ils écoutent de la musique. Quand ils sont dans leur voiture, ils écoutent la musique. Quand ils sont dans leur maison, ils écoutent de la musique. Hein? Maintenant, ils ont... Bon, le cheikh, il n'a pas mentionné ça, mais bon. On sait maintenant, avec les téléphones, les gens, ils ont toujours leurs écouteurs, écoutent de la musique 24 heures sur 24. Hein? Il n'y a pas un endroit où ils vont accepter que la musique les accompagne. Hein? Et il dit soit que c'est de la radio, ou soit que c'est de l'Internet, ou soit que c'est des enregistrements qu'ils ont enregistrés maintenant avec les... iTunes ou je sais pas quoi, il y a toutes les choses là, tu peux trouver en deux secondes, ils te demandent les musiques du monde entier. Et donc ça, c'est le cheikh, il dit, le fait que ces gens-là soient tout le temps accompagnés de la musique, ça c'est un des signes de l'hypocrisie, et ça les fait à la longue détester le Coran et le rappel d'Allah, parce que tu peux pas rassembler dans le même cœur l'amour du Coran et l'amour de la musique. Ça ne peut pas aller ensemble. C'est contradictoire. Il y aura un ou l'autre. Et certains des ulama, ils ont même mentionné que la musique, elle amène dans l'âme une ivresse qui est parfois plus grande que l'ivresse causée par l'alcool. Naam, ça ramène une ivresse. Eh non, ça, barakallahu fik. L'amour des chants et l'amour du Coran dans le même cœur ne peuvent pas se réunir en même temps. Hein, ça ne peut pas être possible. Donc, après le cheikh, il dit, donc ça fait détester, ça va faire en sorte que la personne, elle va détester le rappel d'Allah, détester la foi, détester les gens de la foi et s'enfuir d'eux. Hein? Donc, ils sont attachés par les rendez-vous qu'ils ont avec la musique. Hein? Jusqu'à ce que certains d'entre eux, même quand c'est l'heure de la salat, s'ils savent qu'il y a une émission de musique à telle heure, ils vont manquer la salat pour écouter cette émission. Hein? Ils vont peut-être même délaisser la salat, hein, pour écouter cette émission de musique, pour ne pas la manquer. Et ils vont encourager les chanteurs et les chanteuses et ainsi de suite. Donc il dit, il les appelle en arabe Ahlul Fan. Hein? Ahlul Fan ou Ahlul Dhawq. Donc pour de vrai, Al Fan en arabe, c'est comme en français on appelle l'art. Hein? Mais pour les musulmans, qu'est-ce que c'est l'art? C'est pas la même chose que pour les koufars, qu'est-ce que c'est l'art? La définition de l'art chez les koufars et la définition de l'art chez les musulmans, c'est pas la même chose. Mais pour certains, ils ont essayé de mélanger. Ils utilisent des beaux noms pour désigner des choses mauvaises, pour tromper les gens. Et c'est ça à notre époque. Les gens sont devenus des maîtres dans l'art de la confusion. hein, et de, du fait de mélanger les gens. T'as pas fini ton café, Harry? Ah ouais? Amène-le. Laisse-le ici. Ou bien sinon, on va le mettre là-bas. J'ai peur que tu fasses un dégât, là. Barakallahu fik. Prends une bouteille d'eau, ça va te faire du bien. Naam. Donc, le cheikh, il dit donc que ces gens-là, ils sont devenus des... C'est pas pour rien que maintenant on les appelle les idoles, hein, les chanteurs. Les chanteuses, les gens, ils les appellent des idoles. Yani asnam en arabe, hein, authan. Bon, on les appelle aussi des étoiles. Ils n'ont rien à voir avec des étoiles, hein, mais c'est pour dire rien. Comment Allah subhanahu wa ta'ala guide des gens, ça c'est important. Moi quand j'étais petit là, hein, j'étais au primaire, hein, c'était ça que je, c'était mon rêve quand j'étais en première année. Quand j'étais petit, je disais plus tard je devenais un chanteur, hein. Ben oui, parce que tu grandis dans des familles comme ça, les gens ils connaissent pas Allah, alors toi tu vois ça seulement. L'être humain, malheureusement, des fois il est dans un mauvais environnement, il connaît pas Allah. Donc il est dans l'égarement, hein? Mais quand il découvre la lumière, la guidance, la vérité, après il constate que ces choses-là c'était des chimères, c'était des bêtises. Walaykoum salam wa rahmatullah. Donc après il s'éloigne de ça, hein? Il va détester ces choses-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te guide, il te fait détester ce que tu aimais, de la mécréance et de l'égarement, et il te fait aimer ce que tu détestais ou bien ce que tu connaissais pas. Donc c'est pour dire que c'est très important pour les croyants de faire la distinction, hein, entre l'importance d'aimer le Coran et la foi et de détester la musique et les chants et les trucs des mushrikin, des kuffar, des shayatin. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit: وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ خَبِيرًا بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ الْبَاطِنَةِ فَارِقًا بَيْنَ الْأَحْوَالِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَالْأَحْوَالِ الشَّيْطَانِيَّةِ فَيَكُونُ قَدْ قَذَفَ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ مِنْ نُورِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Donc le cheikh il dit que lorsqu'un homme a une bonne connaissance et bien informé au sujet des réalités de la foi cachées et intérieures, et qu'il distingue entre les états, hein, qui ont rapport avec la foi en Allah et les états diaboliques, eh bien c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a jeté dans son cœur de sa lumière, hein? Et il mentionne le verset 28 dans sourate Al-Hadid, hein? Le verset 28 dans sourate Al-Hadid, et on va lire ensemble la traduction de ce verset. Il dit: oh vous qui avez cru. Donc c'est ça, 28. Ô vous qui avez cru, préservez-vous d'Allah et croyez en son messager pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez et qu'il vous pardonne. Car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Donc le cheikh il explique le verset, cheikh Al-Fawzan, on va donc lire cette explication-là. Puis on va s'arrêter là. Le cheikh il dit: القلب يكون فيه نور الإيمان الذي يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال وبين الخير والشر وبين الكفر والإيمان وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم والفرقان هو أن يرزق الإنسان التمييز بين الأمور، أمور الخير وأمور الشر، وبين أهل الخير وأهل الشر، ومن لم يكن عنده تمييز فإن هذا دليل على أن قلبه مظلم ليس فيه نور. الشيخ dit que le cœur, il y a une lumière de la foi dedans, hein? Et c'est par cette lumière qu'il arrive à distinguer et à faire la différence entre la vérité et le faux, la guidance et l'égarement, le bien et le mal, la mécréance et la foi, les alliés d'Ar-Rahman, c'est-à-dire Allah, et les alliés du shaitan. Et il mentionne le verset 29 dans Surat Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous qui avez cru, si vous vous préservez d'Allah, il va vous donner un discernement et il va vous pardonner vos péchés. » Et le furqan, le discernement, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala va donner à quelqu'un, hein, va donner à cette personne une manière de distinguer entre les choses du bien et les choses du mal, entre les gens du bien et les gens du mal. Et il aura donc un discernement, il sera capable de distinguer et de faire la différence entre les choses et entre les gens. Et il dit, tandis que si quelqu'un n'a pas de discernement et n'a pas de distinction, il dit, dans ce cas-là, ça c'est la preuve que son cœur, il est obscur, son cœur est noir, hein, son cœur est pas illuminé, il est dans la noirceur, il n'y a pas de lumière dans son cœur. Et il dit, وَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فهذه الآية خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالرسل السابقين أن يؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليحصلوا على الأجرين, أجر الإيمان بالرسل السابقين وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة. والفائدة الثانية, ويجعل لكم نورا تمشون به, نور القلوب هو الأصل. ما النور؟ المراد بالنور الحسي نور الشمس, المراد بالنور, المراد به النور الحسي نور الشمس, نور الكهرباء. هذا نعم مفيد وطيب, ولكن ليس هذا هو المقصود. المقصود نور القلب. قد يكون الإنسان أعمى في بصره, ولكن الله نور قلبه بالإيمان والعلم. والله عز وجل قال في آية سورة الحج, فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكم من أعمى البصر لكنه مستنير القلب بالعلم والإيمان, وكم من مبصر أعمى القلب والعياذ بالله. فالعمدة على نور القلب وعلى بصيرة القلب, فإذا اجتمعت بصيرة البصر وبصيرة القلب فهذه نعمة إلى نعمة. Donc le cheikh il explique que c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il a cité le verset 28 dans surat al-Hadid, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô vous qui avez cru, préservez-vous d'Allah et croyez en son messager, il vous donnera deux parts de sa miséricorde et il vous donnera une lumière dans laquelle vous marcherez et il vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Il dit, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux gens du livre. Hein? Ceux qui ont cru aux messagers précédents. Et Allah, il leur dit, si vous croyez en le messager, hein, il leur ordonne, il dit, croyez en son messager. Il dit, ô vous qui avez cru aux messagers précédents, préservez-vous d'Allah et croyez en son messager. Hein, acceptez la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous acceptez la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah va vous donner deux fois la récompense. Yu'tikum kiflayn min rahmatihi. C'est-à-dire que vous allez obtenir la récompense d'avoir cru au messager précédent et en plus la récompense d'avoir cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés à l'islam, on était chrétien avant, on était, si quelqu'un était juif avant ou bien était chrétien avant, puis il nous a guidés à l'islam, et qu'on meurt sur l'islam, et ça c'est ce qu'on espère, qu'on souhaite, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner le double de la récompense. Le double de la récompense de celui qui est né musulman. Inch'Allah. Hein? Ah, vous n'êtes pas content, hein? La ilaha illallah. Non, non, non, non. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ. هَذَا فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ. Donc, il dit, nous on aura donc, Inch'Allah, on espère, le double de la récompense. Donc ça c'est un des bienfaits. Hein, d'avoir accepté la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit le deuxième point, le deuxième bienfait, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne une lumière dans laquelle on marche. Et il dit, ça c'est la lumière du cœur. Il dit, quand il parle de la lumière, de quelle lumière il parle? La lumière concrète qu'on connaît, la lumière du soleil, la lumière de l'électricité. Il dit, ça c'est bon, c'est bénéfique. Mais il dit, c'est pas de cette lumière-là qu'il parle. Il dit, le cheikh, il parle de la lumière du cœur. Il dit, quelqu'un, il peut être aveugle, hein. Il voit pas avec ses yeux sont pas, ils fonctionnent pas ses yeux. Mais Allah, il lui donne la lumière dans son cœur avec la foi et la science. Et donc, il arrive à voir la distinction entre le bien et le mal, le droit chemin. Et yani, il sait distinguer entre l'égarement et la guidance et ainsi de suite. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 46 dans sourate Al-Hajj, il dit, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. C'est ça qui s'aveugle. Donc quelqu'un peut être voyant, hein, il voit avec ses yeux, mais il est aveugle. Hein, il est aveugle, son cœur est aveugle. Hein, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Donc il dit, combien de gens sont aveugles avec leurs yeux, mais Allah a illuminé leur cœur par la science et la foi. Et combien de gens ont des yeux et ils voient très bien avec, hein, mais ils sont aveugles leur cœur. Donc il dit, la base, c'est la lumière du cœur. C'est ça le plus important, de voir avec le cœur, de connaître la vérité et de suivre la vérité et d'avoir la foi. Et si les deux sont réunis, que quelqu'un il voit, il a la lumière du cœur, puis en même temps il a la lumière des yeux, eh bien ça c'est une ni'ma par-dessus une autre ni'ma. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et on continuera le prochain cours, la suite, Inch'Allah, de ce sujet. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.